s'en va. Le retour, enfer, nouvelle version paradis. Tout a débuté dans les années 90, période marquée par la violence et le vice, pendant laquelle les jeunes se foutent de la police. Les braquages jamais armés se font de plus en plus. Les crimes, les émeutes, on peut pour rien dire de plus. Aujourd'hui un 999, rien n'a changé, il n'y a rien neuf. Ni la place des jeunes, ni celle des keufs. Ceux qui foutent la merde et ceux qui se font leur meuf. À l'aube du troisième millénaire, qui ne rêve pas d'être milliardaire, de sauter de la galère et de respirer le bonheur, de battre à plein cœur une vie soi-disant meilleure, dans laquelle frères et sœurs, il n'y aurait pas de misère. Mais sache qu'à présent, il est l'heure de se réveiller, de regarder et de constater que dans toutes les cités, les banlieues, les trous perdus et même les petits quartiers, que la vie est la même, qu'avec beaucoup de peine, nous vivons au centre d'un cercle plein de haine. Si tu veux savoir et connaître où l'on vit, viens donc dans la Tessie, contempler ce qu'est la vie. Viens donc dans la Tessie, contempler ce qu'est la vie. Est-ce l'enfer ou bien le paradis? Je balance des rimes pour dénoncer le crime, car il est question de mort ou de vie. Qu'est-ce qui est manifesté dans toutes les cités? Est-ce l'enfer ou bien le paradis? Je balance des rimes pour dénoncer le crime, car il est question de mort ou de vie. Spécial casse dédié pour tous les jeunes des Tessie. Mes paroles qui ne sont pas drôles, mais me racontent les mots des cités, errant dans le temps, courant après l'argent, au point d'être nappant et brigand, pour satisfaire nos désirs, nos plaisirs, ne pas perdre la face face à la réalité, de plus en plus néfaste, où la brutalité s'est installée jusqu'au jour où le deuil viendra sur ton seuil, volant dans tes dents. T'es plus un vivant, la famille pleure son enfant dont le sang a coulé, pour un râle poussé, passer dans la cité, de plus en plus stressé, des gens de plus en plus nerveux, des gosses tombent dans le vice comme les feuilles tombent à l'automne. Voyant cela, mon cœur est percé par tous ces méfaits de ces gros bonnets, par tous ces méfaits de ces gros bonnets. Paradis. Je balance des rimes pour dénoncer le crime, car il est question de mort ou de vie. Qui se fait manifester dans toutes les cités? Est-ce l'enfer ou bien le paradis? Je balance des rimes pour dénoncer le crime, car il est question de mort ou de vie. Spécial casse dédié pour tous les jeunes des Tessie. Dans tous les quartiers je vois des innocents qui se font tuer, mais que se passe-t-il? Il y a un manque de civilité. Et en voyant tout cela, je me sens tellement, oui, horrifié. Alors dites-moi ce qu'il est arrivé, oui, à la société. Tous ces enfants dans les rues et qu'ils vont buter. Arrêtez, laissez en paix tous ces gens qui n'ont rien fait, car ils essaient de vivre avec leurs moyens et s'envoler. Mais que vous arrêtiez, dites-moi ce qui s'est passé, ouais. Regardez comment le monde a tellement changé. Il faut que vous sachiez que je ne vous dis que la vérité. C'est pour cela que vous devriez m'écouter. Est-ce l'enfer ou bien le paradis? Enfer ou paradis?